récemment, il y a une équipe de chercheurs qui ont fait une étude sur la pollution des sables bitumineux et qui ont montré que non seulement l'industrie pétrolière sous-estimait de 4 à 5 fois la quantité de ces rejets atmosphériques, mais que ces mêmes rejets équivalaient chaque année à une marée noire. C'est-à-dire que chaque année, dans cette région-là, par les rejets atmosphériques, par les fuites aussi également dans les rivières, dans les nappes phréatiques, de ces bassins de décantation, il y a une marée noire chaque année dans la communauté de Fort Chipewyan qui se situe à 200 km en aval de ces mines. On a 30% de cancer en plus.